بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، سئل شيخ ابن باز رحمه الله، ils ont posé la question à الإمام ابن باز رحمه الله، أن رجلا له ثلاثة أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم. Donc ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Baz et c'est répondu للأسف أن certains parents, que ce soit le père ou la mère, ils font des invocations contre leurs enfants. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على أولاده بل ينبغي له أن يحذر ذلك. Ça fait pas partie du bon comportement. Et كذلك celui qui veut le bien pour ses enfants, enfin c'est pas cela la solution. Même si tu es en colère, même si ton enfant il a fait quelque chose de grave, est-ce que ça va arranger les choses de faire dua contre lui? Belle, si tu fais dua contre lui, le mal il retombera sur toi. Il y en a, s'il lui arrive cette chose, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui casse telle chose, qu'il lui donne telle maladie. Des choses graves. Ils le maudissent. Al-la'n, c'est quoi? C'est at-tardu min rahmatillah. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de sa miséricorde. C'est un dua khatir. On doit faire attention. Et comme on l'a, cet enfant, si cette dua est exaucée, c'est ce parent qui va souffrir avec cet enfant. Enfin, c'est interdit dans notre dîn et kadhalik, c'est pas, ça fait pas partie du bon raisonnement. قال رحمه الله لأنه قد يوافق ساعة إجابة فينبغي له أن لا يدعو عليهم. Et peut-être que ce dua, il va être fait dans un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce les invocations et l'insan, il va se faire du mal à lui. لأنه il a commis un interdit et il va faire du mal à son enfant. قال فينبغي أن لا يدعو عليهم وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم. أما si c'est des enfants pieux et ce père ou cette mère font des invocations contre eux, c'est une catastrophe. Les enfants pieux, le père ou la mère, ils doivent les encourager. Ils doivent patienter sur eux. قال أما إذا كانوا مقصرين فينبغي له أيضا أن لا يدعو عليهم بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق. Et même s'ils font des choses graves, des choses pas bien, c'est pas la solution. Fais des invocations qu'Allah il les guide. Tu vas tout gagner. Il y en a cette mauvaise chose qui te dérange, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de guider cet enfant. Mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Et on fait une précision, on a en général, comme a dit l'imam al-Qayyim, rahmatullah alayhi, ou kathir min al-ulama, et en fait, c'est logique, cet enfant, s'il me fait de mauvaises choses, en général, la cause, c'est les parents, c'est un manque d'éducation. Mais certains parents, ils font aucun effort dans l'éducation. Ils veulent que la facilité. À notre époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent des écrans, téléphone ou autre, ça s'arrête là. Le jour où l'enfant, il dit une mauvaise chose, qu'il a appris en regardant dans ce téléphone, ou il fait une mauvaise chose, qu'il a appris en regardant ce téléphone, que ce père ou cette mère, ils lui ont donné, ce parent, il est plus d'accord. Ça montre une faiblesse. L'éducation des enfants, ça demande de la force et ça demande un tawfiq min Allah, qu'Allah nous facilite. Donc, beaucoup de choses, ça vient des parents. Essaye de t'entraider avec cet enfant. Fais dua pour lui. Patiente. Corrige-le. Et nas'Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq li jami'a. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهكذا ينبغي للمؤمن وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من دعاء الإنسان على ولده أو على أهله أو على ماله لئلا يصادف ساعة إجابة فيضر نفسه ويضر أهله ويضر ولده. نعم. On peut citer un hadith ou deux. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لا تدعوا على أنفسكم. Ne faites pas de dua contre vous-même. ولا تدعوا على أولادكم. Ne faites pas des invocations contre vos enfants. ولا تدعوا على أموالكم. كذلك nos biens. بعض الناس مثلا ils s'énervent et ils font dua contre leur monture, leur voiture ou autre. هذا t'as pas le droit, c'était bien. قال لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Et faites attention de ne pas faire cette invocation à un moment où les invocations elles sont exaucées. Thomas, ça fait beaucoup de mal à l'insan. Et كذلك dans un autre hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لوالده. الحديث اللي في سنن ابن ماجه الامام الالباني رحمه الله الا حسن الا rendu حسن. نعم. Donc trois invocations elles sont exaucées: celui qui subit une injustice, le voyageur est la dua du père ou de la mère pour leur enfant. Donc, on craint Allah subhanahu wa ta'ala et on fait attention. قال شيخ ابن باز فينبغي لك أيها السائل أن تحفظ لسانك وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه وبأن يتقي الله في ذلك حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين بل يدعو لهم même autre que les enfants. Ne pas se précipiter à faire dua contre un musulman. Là, لأن qu'est-ce que tu vas gagner? Fais des efforts pour faire dua pour ce musulman, pour tes enfants et préserve ta langue. Cette langue, c'est la source de tout le mal. C'est la source de tout le mal. Donc, on fait attention, on préserve notre langue et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ويدعو لهم بالسداد والاستقامة لا بدعاء عليهم بما يضرهم. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. والله المستعان. نكتفي بهذا والحمد لله. La référence, أن هذا c'est من موقع الشيخ الرسمي رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.